a que l'océan qui nous sépare. Quelques horloges et quelques pluies. J'ai subitement perdu mon âme de fêtard. Tu veux, je fais la gueule de pied. Il le fallait inévitable départ. Si ça marche pas, je reviendrai tant pis. Je rêve de chaleur et de lueur. Ma liberté, elle est ailleurs. Petit pays. T'aimes beaucoup, petit pays. Je t'aime beaucoup. Pourquoi tu pleures? À bientôt maman, à bientôt maman. Non, n'aie pas peur, ça ira là-bas, ça ira là-bas. Oh, ça me fend le cœur, oh maman, oh maman. Oh, oh, yeah, yeah. Condamné à partir, on m'a dit que cette année je n'aurais pas le choix. J'ai repoussé l'échéance, j'ai l'impression de m'enfuir. C'est cliché mais c'est vrai, je meurs de froid. Ils m'en ont fait des beaux sourires. Mais ne m'ont jamais rappelé pour un toit. Célébrer nomades cette nuit dans un fou rire. On dormirait ailleurs encore une fois. Je rêve de toi, petit pays. Je t'aime beaucoup, petit pays. Je t'aime beaucoup. Pourquoi tu pleures? À bientôt maman, bientôt maman. Non, n'aie pas peur, ça ira là-bas, ça ira là-bas. Oh, ça me fend le cœur, oh maman, cœur, oh maman. Top de la médaille. Partir par nécessité ou par amour, ou pour un enfant, ou pour voir le vaste monde. Te regarder par le hublot avec tristesse, le cœur serré. Quitter ce que l'on aime pour d'autres cieux, pour d'autres terres. Se consoler un peu par une espérance, un possible bonheur ailleurs. Mon pays, ma terre. J'ai enchâssé ton nom dans les crins de mon cœur. Et je pleure, et j'espère aussi qu'à la faveur de jours meilleurs, je reviendrai me délecter de tes senteurs, de tes saveurs, de tes beautés insulaires, de la chaleur, de l'exubérance de mon peuple épidermique et fier. Oui, j'espère.